Il y a du soleil sur les ondes, n'est-ce pas Moïse Bateke, le frère de Benjamin Teke. Et tout ma mimbo, son awale no di fan. Longele de na yende la mola loco. Dopingile mbana wende mouto nouto limba. Ozi mouna o, tu es l'élu de mon cœur. Nyamo, nyamo, amour. Na wale no di ko donc elle est na yende la mola loco to ti mile mbana wende muto muto limba kozi muna wo na mawonde nyula boye kozi muna wo ayo mae kozi muna nyame lende ka andre lendoy na ope. Yambule.